président. Combattrait la finance, on t'a fait confiance. T'as parlé, t'as bavé, tu nous as baisé. T'as dit moi, président, je serai exemplaire. Croyez-moi, mes frères. Tes bobards, tes promesses, on les a dans les fesses. Monsieur le président, où est donc le changement? Monsieur le président, où est donc le changement? Ah, dis-moi, président, je combattrai la misère au pépère. Ce sera la présidence de l'égalité et des chances. Je briserai les ghettos, je réduirai les impôts, Toto. Je ferai augmenter les salaires, terminer la galère. Monsieur le président, où est donc le changement? Monsieur le président, où est donc le changement? Comme si, et je ferai comme ça. Patati et patata, blablabli et blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. T'as dit moi, président, je relancerai l'emploi, papa. Je ferai plein de trucs pour toi. Je te mettrai même un doigt. Sois un bon citoyen et t'auras toute la main, machin. Monsieur le président, où est donc le changement? Monsieur le président, où est donc le changement? Dis-moi, président, vous serez en sécurité, pépé. Mais ils viennent jusque dans nos bras, nos villages, nos cités. Quelle que soit l'étiquette, nos dirigeants nous la mettent. Monsieur le président, où est donc le changement? Les travailleurs SDF. Monsieur le président, où est donc changement? Des élus inutiles. Monsieur le président, où est donc le changement? Qui pullule, qui copule. Monsieur le président, où est donc le changement? Qui simule, qui cumule. Monsieur le président, où est donc le changement? Et qui nous? Monsieur le président, où est donc le changement?